Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Roux. Julie, comment vas-tu ? Mais ça va super, merci. Bon, Julie, chanteuse locale qui commence à être bien connue sur le secteur, que j'avais eu l'occasion de t'interviewer. J'étais pas tout seul puisqu'il y avait des enfants, c'était dans l'émission de Micro pour tous. On fait un petit coucou à Benjamin et toute la clique au passage. Ouais. Et aujourd'hui, ben, nous sommes que tous les deux dans les studios de Radio Côte Basque pour découvrir ton univers musical. Avec grand plaisir. Alors, tu veux commencer par quoi ? Nous parler de ton album peut-être ? Oui, bah, c'est la dernière actualité. Ouais. J'ai sorti donc mon tout premier album en octobre 2025, fin octobre. Donc c'est mon tout premier que j'ai écrit et composé en intégralité. Il s'appelle Éclore avec un K, pour faire une petite référence à la langue basque du coup. Parce que mon album est écrit en français et en basque. Ouais. Et les titres qui sont dans cet album, l'inspiration, t'es venue comment ? Eh bien, j'ai commencé à écrire il y a 3 ans maintenant, au moment du départ de ma grand-mère. Mmh. Donc ça m'a donné envie d'écrire. Je dirais que je suis une personne qui est assez introvertie, j'ai du mal à exprimer mes émotions, à dire ce que je ressens. Et c'est beaucoup plus facile par la musique en ce qui me concerne. Donc... Dès qu'elle est partie, c'est vrai que j'étais très proche d'elle, donc j'ai eu de suite envie d'écrire ce que je ressentais. Donc j'ai écrit ma toute première chanson qui s'appelle « Dernière caresse ». Je l'ai écrite même pas une semaine après qu'elle soit partie. Ah oui. Et donc après cette chanson, s'en est suivi plein d'autres. Donc mon album est assez nostalgique avec cette base-là du manque de ma grand-mère, de la nostalgie de mes souvenirs d'enfance aussi. Donc ça tourne autour de tout ça, autour des signes aussi que je peux percevoir d'elle ou d'autres personnes que j'ai pu perdre pendant ma vie. Oui. Mais c'est quand même assez un album très positif, optimiste quand même. J'essaie de passer des messages d'espérance. Mmh. Voilà, ça montre aussi beaucoup ma sensibilité, tous les sujets qui me touchent comme l'inclusion aussi, le handicap. Oui. Donc c'est un album assez complet qui me correspond tout à fait. C'est pour ça que je l'ai appelé Éclore, parce que je me sens un peu comme une fleur qui s'ouvre complètement dans cet album, qui se livre complètement. C'est comme si on ouvrait mon journal intime et qu'on lisait tout ce qu'il y avait dedans. Bon, mais ça c'est plutôt cool. Et puis bon, voilà, on rassure les auditrices et les auditeurs, ce sont des chansons enjouées, même si ça part sur des thèmes. Voilà, il y a toujours le côté très positif chez toi. Oui, donc, puis c'est un album qui est dans un style très pop-rock. Donc sur scène, il y a même un guitariste électrique qui est avec moi. Donc oui, c'est dans un style pop-rock. Donc même si certaines paroles peuvent être un peu plus dures, et encore, ça dépend comment on les perçoit, c'est un album quand même assez positif. Bon. On peut parler d'un peu plus de la chanson que tu as fait sur l'inclusion notamment. Oui, moi avant d'être chanteuse je suis ergothérapeute. Voilà, c'est là où je voulais t'amener. Donc je travaille avec des enfants en situation de handicap. Mmh. Donc même si ça fait 3 ans que je suis professionnelle de la musique, j'ai quand même gardé un pied dans ce métier-là. Je travaille encore un jour par semaine en tant qu'ergothérapeute. Je travaille à Bouco, au centre Ainsina, avec des enfants entre 0 et 14 ans qui sont porteurs de handicap physique du coup. Mm-hmm. Donc c'est vrai que je suis très sensible à cette notion de handicap, notion d'inclusion. Et j'ai eu la chance il y a 3 ans de participer à un projet avec le foyer de Vipé Martin qui accueille des adultes avec handicap mental. Donc, c'est un foyer qui est à Bidart. Ouais. Donc j'ai été contactée par leur éducatrice pour monter un spectacle. En fait, ils ont toujours voulu monter un vrai spectacle par eux-mêmes, avec de la musique, de la danse. Donc c'est un spectacle qu'ils ont monté à la salle Laréco à Saint-Pé. Ah oui, oui. Donc en juillet 2023. 2023 il me semble. Et donc ils m'ont contactée un peu en tant que directrice artistique pour les aider un peu à tout lier à monter ce spectacle. Donc c'est eux qui ont eu toutes les idées, mais moi je les ai aidés à regrouper les artistes entre eux, à faire un fil conducteur du spectacle. Et du coup c'est vrai qu'avec mon œil d'ergothérapeute, ça a été aussi plus facile pour moi de pouvoir travailler avec eux. Et ça a été vraiment une super rencontre. Ils avaient un groupe moteur d'une dizaine de personnes. Je l'ai rencontrée les mercredis et c'était toujours un moment super, hyper fort. On est devenus tous hyper amis. Mm-hmm. Et donc le concert, enfin le spectacle s'est passé à merveille. Ça a fait carton plein. La salle était pleine. Ils étaient super heureux, hyper touchés parce qu'ils ont vu que... Bah, que les gens s'intéressaient à eux, c'est triste à dire, mais ils ont eu des super retours. C'est bon de le souligner, de le rappeler. Ah, mais c'est clair. Et même leurs propres parents étaient ahuris. Ils sont sortis du concert vraiment hyper émus. Et même, on a eu des retours qui nous disent « Je ne savais pas que ma fille ou mon fils était capable de ça. » Et voilà, ouais. Et c'est fou. Enfin, ça a été hyper beau pour eux. Ça leur a beaucoup donné de confiance en eux, ce dont ils ont énormément besoin. Et donc, j'ai eu envie d'écrire une chanson. Pas pour eux, mais ils m'ont inspiré une chanson sur l'inclusion, sur la différence. Et mon message principal, c'était que la différence est une force. Ouais. Donc, ils sont venus en studio enregistrer avec moi. J'ai écrit la chanson. Ils sont venus en studio avec moi à Asparin, au studio de Pascal Etchepar, chez qui j'ai tout enregistré. On a passé une super matinée. C'était très rigolo. Un peu stressant pour eux au début, mais... franchement, c'était trop sympa de les voir passer devant le micro. Donc, l'enregistrement fait, on a tourné le clip tous ensemble aussi sur plusieurs jours. Donc, j'ai enregistré un peu dans leur foyer. On est allé un petit peu à la plage, bon, dans plusieurs endroits différents. Et ça aussi, ça les a vachement valorisés. Ils étaient super heureux de pouvoir en faire partie. Donc, une fois le clip sorti, ben, bien sûr, c'était le grand événement du foyer. Ouais, oui. On va être sur YouTube. Ouais. Donc, ils étaient trop heureux, trop fiers surtout. Et voilà, donc, et depuis, ben moi, sur scène, dès que j'ai l'opportunité, je les emmène avec moi pour chanter cette chanson, notamment au lancement de mon album, qui était à Saint-Pé aussi, donc dans cette même salle qu'ils connaissent en plus. Eh ben oui, comme donc, ça, c'était... Ils étaient comme à la plus maison. Plus confort, pour, comme à la maison, voilà. Presque et puis, comme quand tu dis que c'était salle com, on rappelle que la salle, l'espace culturel, l'Areco, à Saint-Pé-sur-Nivelle, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est 300 places. Ouais, 350. 350, ouais, tu vois, donc... C'est ça. Donc, il faut les remplir. Ah mais c'est clair, eux l'ont rempli. Eux l'ont rempli. Et du coup, pour mon concert de lancement aussi, j'ai rempli la salle. Et du coup, ils ont eu bien sûr une ovation quand je les ai fait monter sur scène. Ils étaient super heureux. Bon, je les emmène un peu partout. J'ai chanté au festival Paseo à Bayonne aussi l'été dernier. Ils étaient avec moi. Là, prochainement, je vais chanter le 21 avril à la salle Quintao pour une association, Le Cœur des Femmes. Et ils vont se rendre avec moi aussi pour présenter cette chanson. Donc à chaque fois, maintenant, ils n'ont plus aucun stress. Au début, on avait droit à des petites crises de panique en coulisses. C'est normal. Mais là, c'est terminé. Hein. Ils montent sur scène comme des rockstars internationales. Là, ils vont te faire des crises pour savoir quelle est la prochaine date de la tournée. Incroyable. Donc on est vraiment devenus des grands amis. Et je suis trop contente de les emmener avec moi. Là, dernièrement, j'ai un France 3 qui m'a fait un super reportage. Ouais. Et qui s'est beaucoup intéressé à eux aussi. Donc, ils étaient trop heureux aussi de pouvoir passer à la télé. C'était encore un autre cap, là, pour eux. Je l'ai vu. Très, très, très beau reportage. Je suis super contente parce qu'ils ont vraiment été mis en valeur. Ah, oui. Ils ont même pu prendre la parole devant la caméra. Chose qui était quasi impossible quand je les ai connus il y a 3 ans. Donc, vraiment, trop heureuse de voir leur évolution. Écoute, c'est super. Voilà, parce que puis t'as... Enfin, moi, je peux me permettre de te le dire, mais on sent que tu as du plaisir à les mettre en avant. Voilà, c'est pas Julie qui se montre et eux derrière. Non, c'est Julie qui les propulse sur le devant de la scène et on sent qu'ils sont bien. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est ça, en fait, qui me donne la force. C'est que, en plus, en tant qu'ergothérapeute, je vois vraiment que de là où ils ont commencé. Et là, la confiance qu'ils ont pris, Et d'ailleurs, dans ma chanson Sensibilité, je cite une phrase d'une des résidentes qui s'appelle Pamela, qui dit « Mais que pense-t-il de nous ? Sûrement qu'on est fou. » En fait, Pamela, elle a toujours ce truc du regard des autres, la discrimination, c'est très dur pour elle. Et maintenant, Pamela, elle monte sur scène. C'est une superbe danseuse flamenco. Elle danse, elle chante et... elle a pris une confiance folle et c'est ça qui me donne envie aussi de continuer. En tout cas, bravo. Bravo, bravo. Comment ça t'est venu de chanter ? Alors, je le sais, lors du dernier interview, on te repose la question à chaque fois, mais là, on est obligé, on se demande, parce que tu es quand même relativement jeune, mais tu as commencé très, très jeune. j'ai toujours chanté. C'est vrai que je ne sais pas trop dire à quel âge j'ai commencé. Mais j'ai un peu baigné dans ce milieu. Mes parents chantent les deux dans des chœurs basques. Je suis d'Ustaritz, donc ils sont les deux dans des chœurs à Ustaritz. Ouais. Mon grand-père aussi aimait beaucoup chanter. Donc j'ai un peu baigné dans ça. Hein. Tous les dimanches, ça chantait à table. J'ai toujours adoré ça. Mais vraiment, quand j'ai passé, on va dire, le cap, c'est quand je suis arrivée au collège. Il y avait la, je suis rentrée dans la chorale de, ouais. du collège. Ouais. On le voit aussi dans mon reportage d'ailleurs. Mmh, et c'est vraiment ma prof de musique qui m'a ouvert les portes, qui m'a dit bon, il faut que tu postules pour être soliste. Bon voilà, donc elle m'a clairement poussée à le faire et j'ai été prise soliste tous les ans du coup depuis la sixième. J'ai fait ma toute première salle à la Gare du Midi à Biarritz, donc pour une première, non, ça bah, va. Ouais, carrément. J'avais 12 ans et je me rappelle que j'ai chanté Ziggy de Starmania. Ouais. Chanté par Céline Dion à l'époque, donc bon, je suis archi fan, donc c'est super beau souvenir. Et depuis, ben voilà, le collège. Après, je suis rentrée au conservatoire en chant lyrique. Mm-hmm. J'ai appris le solfège et le chant classique. Ça m'a vraiment posé les bases techniques du chant. Ça m'a beaucoup aidée. Et par la suite, des cours de chant un peu plus pop, donc ce vers quoi je tends maintenant. Ben oui, oui. Donc, plus travailler l'interprétation aussi. Et voilà, bah, après, je suis rentrée dans un orchestre à 18 ans. Ouais. C'était mon job d'été, en fait. Mm-hmm. Donc, j'ai de la chance parce que bon, je vivais l'été de ma passion. On animait les fêtes de village. J'étais sur scène avec une super copine maintenant. On chantait, on dansait. C'était génial. Tout en faisant mes études, du coup, en parallèle. Et une fois fini mes études, bah, j'ai un peu travaillé en tant qu'ergothérapeute à temps plein. Ouais. Mais c'est vrai que la musique, elle a pris beaucoup le dessus, donc j'ai dû faire un choix. Donc j'ai diminué mon temps en tant qu'ergothérapeute, je suis devenue intermittente du spectacle. Je suis rentrée dans une troupe de cabaret et j'ai commencé à écrire mon album. Voilà. Alors, voilà, donc sans transition, tu me l'amènes bien comme il faut. Future animatrice radio, hein, on va rajouter ça à ton arc. Oui. Donc, tu te produis dans une troupe de cabaret. Alors, dis-nous tout. Bah, ça fait depuis janvier 2019 que je suis rentrée dans cette troupe qui est menée par Anaïs Ubi, qui est une superbe artiste, danseuse, chanteuse, metteur en scène et chorégraphe. Donc Anaïs m'a appelée pour remplacer la chanteuse qui est partie pour les États-Unis. Ouais. Donc bah, avec plaisir, j'ai accepté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne me sentais pas forcément capable d'endosser le rôle de meneuse de revue pour une troupe de cabaret. Et en fait, j'ai de suite adoré le milieu de danser, de chanter, les plumes, les paillettes, vraiment le spectacle. Et en fait, ça m'a formée complètement d'être sur scène avec elle, avec les danseuses, parce que du coup, on est sur scène avec des danseuses. Ouais. Moi, je chante, je danse un peu. Et on a aussi des attractions du cirque, de les feuillages burlesques aussi. Ouais. Et c'est vraiment un monde que j'ai adoré, parce qu'en fait, j'endosse un rôle. Bon, là, c'est pas la Julie. Non, c'est pas la Julie. Mais du coup, j'endosse vraiment un rôle. Et je trouve ça hyper bien aussi, même pour travailler... pour travailler mon interprétation, bon, moi j'adore cette expérience depuis 2019 maintenant. Et bon, on s'entend tout hyper bien, super ambiance et voilà, je prends beaucoup de plaisir aussi. La troupe Anna Smile et compagnie, que je n'ai pas nommée d'ailleurs. Je crois que tu l'as dit, mais c'est bien, on peut le répéter. Oui. Anna Smile et compagnie, parce que c'est une troupe qui le mérite. Ouais. Qui devrait normalement, d'après ce que m'a dit Julien, parce que Julien qui tient la page Parle-moi de spectacle, qui se tâte pour venir aussi au micro, il n'ose pas trop, mais et ça viendra. Oui, voilà. Va venir, Julien. Donc qui nous suit très régulièrement. Et effectivement, bah, comme je te disais tout à l'heure en antenne, il m'a envoyé une photo là, récemment. Où il me disait bah, tu vois Julie là que l'on voit là au cours du dernier spectacle d'Anna Smile, tu vois le gars là qui est juste au-dessus d'elle là qui accroché en l'air. Ben c'est moi. Voilà, donc il faut qu'il vienne Julien. Ouais. C'est sûr, mais là c'est trop vraiment j'adore, je prends énormément de plaisir, ça me challenge aussi parce qu'elle me fait beaucoup danser, chanter en même temps, donc je travaille pas mal aussi ça et super expérience, qui est très différente de ce que je propose en solo avec mon album. C'est autre chose, mais c'est très sympa aussi. Mais super expérience. Ouais. On est une troupe itinérante, donc on n'a pas de salle fixe. Ouais. Mais tous les ans, on est à la Gare du Midi pour le 31 décembre et 1er janvier. C'est ce que j'allais rappeler, qu'effectivement, voilà. Voilà, encore cette année, c'était... Voilà, ça c'est vraiment la grosse échéance de l'année. Ouais. Et après, ben, on tourne un peu partout, enfin, là où on nous appelle. Et on est même allé jusqu'au Congo il y a 2 ans. On a joué à Kinshasa. D'accord. Donc on va vraiment partout, là où on nous appelle. Ouais. Eh ben, écoute, le message est passé. Voilà. Hein, voilà. Jusqu'à l'autre bout de la planète, il y a moyen. Bon. Tu es venu avec ta guitare. Oui. Voilà. Donc, tu vas nous faire le plaisir d'interpréter un de tes morceaux de ton album. Ouais, avec voilà. Plaisir. Donc, on marque une courte pause, mais que vous n'allez pas entendre, puisque sur Radio Côte Basque, il n'y a pas de pub. Mais c'est juste le temps d'accorder la guitare, de se positionner comme il faut. Et on retrouve Julie tout en voix. C'est ça, avec ma chanson Eki. Je m'appelle Eki. Le jour se levait, c'était le printemps, quand je suis sortie du ventre de maman. Il y avait même les rayons du soleil qui glissaient sur ma joue, aussi tendrement que papa m'y couvrait de bisous. Je suis là dans ce monde, aussi vivant que vous, et tant d'amour j'inonde un enfant avant tout. Tout se passait si bien, elle me taquinait, sacrée grande sœur. Moi j'avais toujours ce regard penseur. Une vie différente, je ne marcherai pas, n'irai pas au parc, je ne parlerai pas sans laisse des mains. Je suis là dans ce monde, aussi vivant que vous, et tant d'amour j'inonde un enfant avant tout. Eki, le soleil du basque, mais moi j'en vivrai des bourrasques. Eki, il réchauffe et il aime, sous la pluie dessine des j'existe. Je m'appelle Eki. Le jour se lèvera encore pour longtemps, du moins je l'espère tendrement. Julie Rouault. Bravo. Merci. Voilà, moi j'adore, je suis fan, je le dis, sans complexe, sans voilà. Et je trouve que tu donnes aussi une couleur particulière à la langue basque quand tu chantes en basque. Est-ce que tu... On n'avait pas prévu, mais allez, on est comme ça. Un petit coup en basque. Ouais, hein, qu'on s'en rende compte. Un petit refrain. Ouais. Allez. Ma chanson Eguzkiari Begira. Eguzki lorea naiz zaintzen hau argiak Ezenaga ine anegan egiten dut iluntasuna desagertzen da nire haotxa ateratzean da nire bihotza eguzkira eltzen da desagertzen da nire haotxa ateratzean da nire bihotza eguzkira eltzen da. Alors, si avec ces deux extraits, vous n'avez pas envie d'écouter son album, c'est que hein, là, il n'y a plus rien à faire. Bon. Merci beaucoup, Mileshker. Merci à toi, Julie. Merci beaucoup. Et écoute, les studios, les portes sont toujours grandes ouvertes. Avec grand plaisir. Merci.